chercher la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Vous avez compris le principe. Une chanson chacun, 35 chansons programmées chacun, et ça va être comme ça jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'on ait tout passé. Ah ouais, ouais. Salut Thierry. Salut Eric. Comment vas-tu? Oh bah, ça va mieux, mais j'ai chaud. M'étonne. Ça prépare Salut les Bronzés, ça. Bienvenue à toutes et à tous sur l'antenne de RIG pour suivre la dernière émission, nos dernières émissions. Les deux dernières nos émissions. Nos deux dernières émissions. La saga Alpha Power d'un côté et l'autre côté, Jolly de A à Z ici sur RIG 90.7 de la bande FM. Et on les a réunis de façon à faire la saga de A à Z. Et voilà. C'est aussi sur www.rigfm.fr. Ah, il y a des problèmes hein, ce soir sur la sur, encore ah, ouais, oh. Le son grésille, il y a des micro-coupures. Oh là là là là, bon, ben, il y aura le podcast. Et puis il y a la FM qui marche parce que je t'assure, je t'ai entendu ce, pour oui, mais faut venir sur Bordeaux. Oui, venez les amis, venez. Venez, venez, on vous attend. Hein, restez de l'été, au mois de juillet, vous allez voir. Vous ne le regretterez pas. Bon, bah si on y allait. On va expliquer un peu le principe. Qu'est-ce que cette battle, Thierry? Allons-y, alors justement. Les Beatles, tout comme Johnny Hallyday, Johnny a démarré un petit peu avant les Beatles au niveau, je parle de la reconnaissance. Oui. Ils ont tous les deux, ils sont aussi vieux. Johnny a un an de moins que McCartney. Et il est un peu plus jeune que Ringo Starr, que John Lennon, et plus vieux que George Harrison, je crois. Il est né en 43, Harrison. C'est le même âge. C'est toi. Oui, c'est ça, le même âge que Johnny, oui. Même âge que George Harrison. Bref, ils ont forcément les mêmes idoles. Bien sûr. Et donc, la bataille va être simplement de faire, de puiser dans le catalogue voilà. Les chansons qu'ont chantées en commun, que ce soit Johnny en reprise ou même en anglais. Parce qu'il a aussi repris en anglais par pur plaisir, parce que ce sont des chansons qu'ils aiment de chacun. Et on va faire ça pendant toute la soirée, ça risque d'être très très bien. Ils vont reprendre des pionniers, les pionniers du rock'n'roll, comme Chuck Berry, comme Jerry Lee Lewis, comme, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Eddie Cochrane, Gene Vincent. Ils vont reprendre plein de. Et quelquefois, Johnny reprend les Beatles. Et Johnny aura repris les Beatles, mais les Beatles n'aura jamais repris Johnny Hallyday. Non, non. Il a même repris une chanson de Ringo Starr, ça, je suis intéressé pour entendre ça. Ah oui, oui. Quand tu m'as dit ça, j'étais très content. Je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Ah ben voilà, voilà, voilà. Si on commençait par le premier. Ah, si on commençait par le premier. Donc c'était, c'est moi qui vais. Non, c'est toi qui vas commencer. Non, c'est moi, c'est moi. C'est toi qui commence. J'aurais pu vous choisir la chanson des Beatles, mais justement, je sais que là, j'ai fort à faire. Donc j'essaie de choisir des lives si je peux, ou en tout cas des morceaux qui sont musclés. Voici sur le live Peace in Toronto en 1969, John. Oui. John Lennon a été invité. Ça commence. Oui, a été invité pour pouvoir faire un festival à Toronto. Il décide d'y aller sans les Beatles, avec Eric Clapton par exemple. Et Money, c'est un titre de Barrett Strong qui date de 1960. Mm-hmm. Voici le premier titre, Money, That's What I Want, par John Lennon. You can give it to the la barre haut. Ça y est, tu commences, toi. Ça y est, tu me cherches vraiment, là. Oui. Tu me cherches vraiment. Et tu vas me répondre, j'en suis sûr. Écoute, ce que je te propose maintenant, on va retrouver John Hallyday, non pas en 1969, mais en 1965. Ah. Tu vois. À Montreux. D'accord. C'était pour une émission interjeune. Et Johnny reprenait justement ce titre-là, Money. Money. Et bien, on écoute ça tout de suite. Voici oui. Battle, la battle, les Beatles, Johnny Hallyday. En live également. Il y avait encore des fans en 1965, alors que le rock'n'roll s'était transformé petit à petit en yéyé. Concert de Johnny Hallyday, enregistré en août 1965 pour Interjeune. C'était mon premier titre. Donc, envoyez l'argent à nos boîtes postales respectives, Eric et Thierry. Pour que Internet fonctionne déjà aussi à la radio. Ah, ce sera bien. Un petit peu pour la radio et beaucoup pour nous. Oui. Voilà, ça sera bien comme ça. Parce que si vous connaissiez nos salaires à la radio, c'est vous, ça. Vous seriez déçus. Mais je crois qu'il y a une acclamation du public pour Johnny. On est en finale, c'est pas ça? Non, c'est Johnny. Ah oui. Tu vois un peu, il y a le public derrière Johnny là, tu d'accord, vois. D'accord, d'accord. Et là, il y a du public derrière John Lennon, bien sûr, Star, bien sûr qu'il y en a. Et Tutti Quanti. Bien sûr qu'il y en a. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire ici lui. Eh ben, parce que c'est ils ont des chevaux derrière eux quoi, c'est ça. Si je te propose propose-moi le premier titre. Ah, c'est même pas à moi que tu vas proposer, c'est à nos chers auditeurs oui. que tu vas proposer. Oui, parce que toi tu connais. Oui. Le premier titre du premier album des Beatles en 1963. Mm-hmm. Il est fait par Paul McCartney, ouais. C'est I Saw Her Standing There. Mm-hmm. Ça s'appelait au départ She Was Just 17, enfin Just 17, quelque chose comme ça. Et au départ, c'était Never Been a Beauty Queen, elle n'était jamais une reine de beauté. C'était pas terrible. Oui, John Lennon est arrivé là, il lui a dit, et dit plutôt, elle avait juste 17 ans, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et à partir de là, et ben, il s'est dit, ouais, c'est bien, c'était le côté caustique de oui, John Lennon. C'est ça. Mais c'est une superbe chanson que Paul McCartney reprend encore, et la voici. I Saw Her Standing There, sur le premier album, George Martin avait dit, on enregistre le premier album comme si vous étiez en public. Donc il l'a enregistré une seule fois en une dizaine d'heures, un peu plus, 14 heures ou 15 heures, alors qu'après ça a pris beaucoup plus de temps. Mais bien sûr. Voici le premier titre, I Saw Her Standing There sur RG. 1, 2, 3, 4. Littéralement, quand je l'ai vu devant moi. Tout à fait. Voilà, cette chanson a été reprise par Elton John et John Lennon en concert d'Elton John en 74, le fameux concert dans lequel il a revu Yoko Ono, mais on ne va pas revenir dessus aujourd'hui puisque c'est la saga de A à Z. Oui, tu n'as pas gâché ta dernière émission. Ah non, ben non. Pas la gâcher. Ça a été aussi repris par Jerry Lee Lewis et Little Richard sur l'album de Jerry Lee Lewis, Last Man Standing, en 2006. Bien. Et version française a été remplie aussi par Dick Rivers. C'est vrai? Ouais, Dick Rivers. Nous avons également André Vasseur et par les Sweets. Mais alors, les deux derniers, je ne les connais pas. Voilà, voilà, voilà. Et les Sweets, ça va être sous le titre C'est gagné. Oh, je préfère quand je l'ai vu devant moi. Ça me paraît plus normal. Et puis Johnny donc a repris ce titre-là, hein, ce titre I Saw Her Standing There. En version française, ça devenait Quand je l'ai vu devant moi. Oui. Et donc, il a repris le 45 tours est sorti le 15 janvier 1964. Et ça donnait ça. Elle avait tout pour séduire, voyez ce que je veux dire, non rien ne pouvait lui être comparé. Comment danser avec une autre, oui, quand je l'ai vue devant moi. Et quand son regard s'est posé sur moi, même avant ses yeux, j'aimais déjà ses cheveux. sauf cette joie entre nous. Non, je n'ai dansé avec personne quand je l'ai vu devant moi. Allons-y. Cet amour entre nous, non, je ne danse avec personne depuis que je l'ai vu devant moi, depuis que je l'ai vu devant moi, depuis que je l'ai vu devant moi. Il n'y a qu'un truc à vous dire. Ouais. Wababa, loubaba, la bim boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Bon, ça va. Pas de public comme ça, toi, hein? On est en finale. Alors, on peut dire que la chance, évidemment, a été reprise aussi par les Beatles, mais oui. À la base, c'est une chanson qui a été créée par un groupe de filles, les Cookies. Oh. La chanson, donc, change de genre en traversant l'Atlantique, adoptée par les Beatles en Angleterre et par Johnny en France, et donc, c'était en 1963 également. Et la version de ce dernier est produite au studio Fontana à Londres avec une équipe qui par ailleurs travaille régulièrement pour Eddie Mitchell avec Bill Jim Sullivan, etc., etc. Et puis Sylvie Vartan en a fait aussi une mouture. Elles sont bonnes à croquer, les cookies. Oui, tout à fait. Enfin, à l'époque. Oui, là, elles sont un peu rassis et tout comme ça. Oh, alors, il y en a qui ont du charme, mais moins, on va dire. Ah, ça me donne envie de faire saluer les bronzés, mais ce sera la semaine prochaine. Oui, le 1er juillet, ouais. Tout à fait. Est-ce que... On écoute la version des Beatles. Oui. Oui, c'était la blague. Il fallait la rajouter. Est-ce qu'on écoute la version des Beatles? Mais bien sûr. Sur l'album Please Please Me en 1963. C'est la battle. Et c'est George Harrison qui chante. Ah. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you can see. J'applaudis Thierry, j'applaudis. Tu sais pourquoi? Parce que je préfère la version des Beatles à celle de Johnny. Mais ça me fait plaisir, mais ça arrivera moi aussi que je te dise je préfère la version de Johnny, ça arrivera. Voilà, vous aussi les auditeurs, vous pouvez nous dire aussi la version que vous préférez entre celle des Beatles et celle de Johnny. Ça reste bon enfant, mais bien entendu, on ne prétend pas que... Non, il faut savoir être objectif également, et on aime tel ou tel interprète, tel ou tel chanteur ou groupe, et puis il faut savoir dire que des fois, telle ou telle version est meilleure que d'autres, bien sûr. D'ailleurs, on a un exemple là. Oui. Vas-y, dis-le. Mais non, c'est à toi de commencer, alors lance-le. Oh. C'est à toi. Ah non, c'est à moi, excusez-moi. Mais je suis, moi. En 1966, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Les Beatles sur l'album Rubber Soul. Revolver. Ouais, j'étais pas loin, c'était un album près. Oui. Paul McCartney, avec John Lennon, écrivit la chanson Got to Get Into My Life. Johnny Hallyday l'a reprise sur son album en 1966, également La Génération Perdue, sous le titre Je veux te graver dans ma vie. Mm. Et là, je vais vous proposer une version de 1992, Johnny en live, au à Bercy, sur Je veux te graver dans ma vie. Allez, on y va, on fait un petit coup. Je ne vais pas me laisser faire. La battle des Beatles, Johnny. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter. Oh! Une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve là. Oh! Soudainement, je suis tombé. Comme ça, je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré très fort. Tu ne pars pas, tu restes ici, je veux seulement t'aimer très fort. Tu es né pour être à moi. Et j'espère que tu y crois, nous serons ensemble chaque jour. Dans ma vie.

C'est une femme, Eric. C'était, ben oui, c'est une femme. Oui, c'était la phase B de I Feel Fine, le 45 tours de 1965. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ah, ah ouais, tu sais, il chante au perché, là, Paul McCartney, là, cette chanson-là. Oui. Eh bien, Johnny se rit de cette difficulté-là. Non. Tu vois? Si. Il se gosse. Ah, mais il se gosse, là. Mais c'est une gonzesse qui chante, il fait. Ah ouais. Il est reprend donc en 1965 sur son album Alléluia. Et ça donnait ça. On a ses jours. On a ses jours, exactement. Merci Thierry. Je t'en prie. On a ses jours de veine. On a ses jours de peine. Maintenant, quoi qu'il arrive, tous les combats que je livre, c'est bien pour toi que j'aime. Pour une place première, une place à la lumière qui en vaudra la peine. On a ces jours de chance, après quelques souffrances. Pour toi il faut que je gagne, et j'abattrai des montagnes, pour moi la vie commence. En renversant les barrières, chaque lutte à sa manière, rien n'est perdu d'avance. Le jour où je t'ai rencontré, non jamais je ne l'oublierai. On a ces jours de fête, les jours où l'on s'inquiète, les jours tristes où il fait sombre, avec des ennuis sans nombre qui tombent sur nos têtes. L'amour n'est-il qu'un beau rêve, et si un jour il s'achève, déjà mon cœur s'inquiète. Non, jamais je ne l'oublierai. On a ces jours de veine. On a ces jours de peine. Maintenant, quoi qu'il advienne, à quoi bon tous ces problèmes? Dis-moi, puisque tu m'aimes. On a ces jours de misère, puis le bonheur nous éclaire. Que le car je t'aime, ouais car je t'aime, ouais car je t'aime, ouais car je t'aime, ouais car je t'aime. Ouais. Oui, mais je trouve que Paul McCartney a bien poussé la voix quand même, c'était bien. Ça va être comme, t'auras toujours quelque chose à redire. Ça va être comme ça toute la soirée. Vivement la semaine prochaine. Oui, mais c'est vrai que la semaine prochaine, ce sera des titres qu'on aime tous les deux. Sûr. Ceci dit, j'aime bien aussi Johnny Hallyday, je ne l'ai jamais caché. Mais non, ce ne sont pas des adversaires. Non, au contraire, bien au contraire. Non, veux-tu que je te parle de George Harrison, justement? Vas-y. George Harrison, avec Ringo Starr et Eric Clapton, se joignent à Carl Perkins en 1985 pour enregistrer un disque qui s'appelle tout simplement Carl Perkins and Friends. Il sort l'année d'après. En public, s'il vous plaît. Et ce sera la première apparition publique de George Harrison depuis 10 ans. Il avait fait une tournée aux États-Unis très mauvaise en 1974. Et globalement, on va pas chipoter. 74, ça a peut-être débordé un peu sur 75. Et 75-85, on y est sur les 10 ans. Je vous propose George Harrison qui chante Blue Sweet Shoes, pas Blues, Blue Sweet Shoes, qui a été repris évidemment par Elvis, etc., ah, etc., évidemment. Des tonnes de gens. Hey. Là voici cette chanson sur RG. Well, it's a one for the moon, a two for the show, a three to get ready now. Drink my liquor from a whole fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay hands on you. dance, but I didn't overdose you. Never believe you. Bien, c'était bien. Ouais, c'était cool. Tu te rappelles de cette chanson-là? Ouais, là, là, mais t'es bien intéressant. Donc, voilà. Bon, ça marche. Et donc... Et moi, tu veux que je réponde? Mais oui, parce que est-ce qu'il a continué à faire luire sa chaussure? Oui. Ah oui, tout à fait. Et en plus, ils ont un dénominateur commun, c'est Carl Perkins. Je vais te proposer une version de Johnny Hallyday et de Carl Perkins. Oui. Non pas en 1985, comme toi, tu le suggérais. Oui. Mais en 1984. Avant donc. Et en plus, à Nashville. Alors, vas-y. C'était l'occasion de l'émission Les Enfants du Rock. Et ils avaient fait un spécial Nashville avec Johnny Hallyday. Johnny rencontrait Emmylou Harris, Johnny Joe White, Carl Perkins, les Stray Cats, ouais. Don Everly également. Et il en ressort quelque ça et des petites perles comme celle-ci, le duo Johnny Hallyday et Carl Perkins, Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show. Better get ready now, go cat, go, but don't you never want blue suede shoes. You can do anything, but they harm on blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, sign my name all over the place. Uh-huh. Well, do all the things that you wanna do. Yeah. Well, I'm only half of my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Yeah. Well, you can do anything, you step on my blue suede shoes. My car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but I'm on baby, let offer them shoes. Don't step on my blue suede shoes. Yeah, you can do anything, but let offer my blue suede shoes. Come on, let's knock it again, baby. So one for the money, two for the show. I tell you to get ready now, go, go, go. But don't you step on my blue suede shoes. Yeah, well you can do anything, but they are for my blue suede shoes. Really? Blue, blue, a blue suede shoe. A blue, blue, a blue suede shoe, baby. A blue, blue, a blue suede shoe, baby. Blue, blue, a blue suede shoe. Well you can do anything, but they are for my blue suede shoe. A blue, blue, a blue suede shoes, baby. A blue, blue, a blue suede shoes, yeah. A blue, blue, a blue suede shoes. Well, you can do anything, but they are for my blue suede shoes. Oui, tiens, tu veux dire. Je voulais dire que toi, tu as eu le droit le tin tin tin tin nan nan. Voilà. Oh, c'était bien aussi. Ah, puis à Nashville, ils étaient inspirés, quoi, du coup. C'était dans le temple du. Ah, bah, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis allé à Nashville, j'ai visité Nashville, c'était bien. Et j'y retournerai. Mais cette année, non. On va faire l'impasse. Malheureusement. Ouais, ouais. Oula. Qu'est-ce que tu me proposes? Que me proposes-tu maintenant à ton tour dans cette fameuse battle, les Beatles contre Johnny? Eh bien, c'est un Ringo Starr, toujours avec Carl Perkins. La chanson. Moi je te dis, c'est 4 contre 1. Hein. Est-ce que c'est vraiment équitable, 4 contre 1? Ouais, il y a toujours un qui chante, ils chantent pas tous les 4 ensemble. Donc voilà, la chanson date de... Alors, au niveau des Beatles, de l'album For Sale, oui. Mais elle a été créée par Carl Perkins en 1956 sur la face B de Blue Sweat Shoes, justement. On a retourné le disque. Voilà. C'est Honey Don't, mais je ne vous propose pas la version des Beatles, je vous propose la version, donc, comme je l'ai dit, avec Carl Perkins sur l'album de 1986. Carl Perkins and Friends. La voici, la version de Monsieur Ringo Starr. D'ailleurs, il faudra que je dise un truc après au sujet de Ringo Starr, mais on a encore le temps d'en parler. Voici Ringo Starr sur RG. Notre extrait avec des reprises de Carl Perkins. Parce qu'on sait que les Beatles œuvrèrent beaucoup pour l'appréciation de Carl Perkins en Angleterre et dans les pays anglophones. Oui. Et Johnny le fit également. Elvis aussi, tout à fait. Et d'autres, mais bon. Mais bien sûr. Et là, qu'est-ce que je te propose, Thierry? Je veux dire Johnny. Écoute, qu'est-ce que je te propose, Thierry? Je suis flatté. Eh bien, tout à l'heure, tu as encore fait chanter Ringo avec Carl Perkins. Oui. Eh bien, non, je te refais chanter Johnny avec Carl Perkins c'est également. C'est pas vrai. Si. C'est même pas fait exprès, il en plus. Fort, Johnny a repris Honey Don't en 1984, toujours à Nashville, sur l'album donc Hallyday 84. Donc, c'était pour la fameuse émission Les Enfants du Rock. Voici le duo Carl Perkins et Johnny Hallyday, Honey Don't. hard to know. I like the way you wear your clothes. Everything about you is a doggone sweet. Got sand all over your feet. Plus un mauvais bouton. C'est la battle John Hallyday et les Beatles sur l'antenne de RIG. Thierry, lui, va dire c'est la battle les Beatles contre John Hallyday. Oui, c'est la battle les Beatles contre John Hallyday. Là, je le dis, tu m'as dit que j'ai. Mais oui, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça, il faut répondre. Il faut répondre. Absolument. Nous avons une petite annonce à faire. Oui. Le train à destination de. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On refait le jingle. Oui. Bonsoir à tous. Le train à destination de Radio RIG va bientôt rentrer en gare. Veuillez vous éloigner des bordures du quai. Voilà. Et puis dirigez-vous directement à la sortie RIG Johnny de A à Z. Et la saga des Fab Four. Je voulais pas le dire. Mais non, mais t'as dit Johnny de A à Z. Mais c'est fait exprès. Bah oui. Non, mais. Non, nous avons une annonce. Oui. Nous avons un auditeur commun, Thierry et moi, oui. Rook Lebarge, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Alors, il dira pas son âge, parce que tous les ans, il a 16 ans. Mais nous tenons à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Oui. Avec ceci. Et si c'est votre anniversaire également aujourd'hui, on vous le souhaite également. Bien sûr. Mais là, on dit c'est Johnny. Non, il a dit Rook Lebarge. J'ai Rook, j'ai entendu. J'ai entendu autre chose, moi. Mais c'était ça. J'ai entendu Rook Lebarge. Et puis tous ceux qui ne sont pas encore manifestés, joyeux anniversaire. On continue cette petite battle John Hallyday contre les Beatles. Oui. Ou on va dire aussi non, battle John Hallyday, les Beatles, comme tu veux. Les Beatles contre Johnny, pourquoi? Parce que dans l'ordre d'apparition... Johnny a commencé en 1960. Je suis d'accord, mais mon émission est avant la tienne. Donc c'est les Beatles contre Johnny. Non, je ne suis pas d'accord. Et comme Rook dit toujours qu'il a 16 ans, oui. Et bien justement, Johnny le dit également. Oui. Tac, 16 ans, tout de suite sur l'antenne de RIG. Dans la battle, Johnny, les Beatles. La saga de A à Z. Tes lèvres au parfum de fleurs, douce à croquer, ont la forme d'un cœur. Tac, 16 ans, t'es jolie, et rien qu'à moi. Oui, t'as des cheveux lumineux, pleins de rubans, aussi bleus que tes yeux. Tac, 16 ans, t'es jolie, et rien qu'à moi. Éveillée, c'est curieux, je crois rêver quand tu es là. Oui, devant moi, t'es mon fétiche, mon rêve vivant, mon doux printemps. Ta peau a pris à l'été, tu ouvres ton soleil pour mieux m'enflammer. Avec 16 ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Avec 16 ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Avec 16 ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Nous avons eu le coup de foudre, et quand ta main doucement frôle ma main, oui, je m'enflamme comme de la poudre. Que c'est merveilleux d'être amoureux de mon rêve aux mille couleurs. Tu es sorti pour entrer dans mon cœur. Avec 16 ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Oui. T'as pas ça, toi? Non, j'ai pas ça. Bravo, Johnny. Bravo aussi, Johnny. Et cette chanson-là, Johnny l'avait reprise donc dans les années 60. Mais 70, en 73. Moi, Johnny l'a repris en 1963. D'accord. Sur l'album Les Bras en Croix. Alors, 10 ans plus tard, voilà. Ringo Starr le reprend sur l'album Ringo, tout simplement. L'album qui a failli voir les Beatles tous ensemble, puisqu'ils sont, ils sont tous venus aider leur copain Ringo, mais pas tous en même temps. Surtout McCartney. Les autres ne voulaient pas vraiment voir McCartney. Ils lui en voulaient. Bon, c'est passé depuis, heureusement. Oh, tant mieux. Je ne comprends pas. Bon, c'est une longue histoire. On ne va pas revenir dessus. On ne va pas revenir dessus sur ce coup-là. Mais... Non, on n'a que 3 heures d'émission encore à faire. Je voulais en parler tout à l'heure. Il y a enfin un livre sur Ringo Starr. Un livre qui est paru en français. Mm-hmm. Il ne coûte que 8 euros. C'est quand même fantastique. Pour un livre. Pour un livre, oui. C'est Ringo Starr, 80 ans, une chronologie commentée. Parce que le 7 juillet, c'est l'anniversaire de Ringo Starr, il aura 80 ans déjà. Il en paraît 20 de moins, sans aucun problème. Et donc, Dominique Grandfils a fait enfin le bouquin qu'il manquait en France sur Ringo Starr. Je vais l'acheter, bien évidemment. J'en achète même 2. Au mois de septembre, je ferai gagner un de ces bouquins-là. Oh, super. Mais si vous voulez avoir des renseignements, allez sur la page livre Ringo Starr, 80 ans, une chronologie commentée, c'est sur Facebook. Oui. Et on vous donnera le lien pour pouvoir l'acheter, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et Dominique Grandfils qui nous écoute également. Mais qui écoute la saga ce soir. J'en suis sûr. Et donc voici pour Dominique Grandfils, qui n'a que 16 ans. Lui aussi. Donc You're 16, You're Beautiful, and You're Mine, c'est Ringo Starr qui le chante sur RIG. My hand, my heart went cold. Ooh. J'aime bien ce bon Ringo en 1973. Oui, c'est le titre de Johnny Burnett. Oui. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Bon, bienvenue si vous rejoignez à l'instant dans la saga de A à Z, la battle, les Beatles, Johnny. Si vous avez l'habitude d'écouter Johnny de A à Z, vous vous dites, bon, il va déborder encore de deux minutes et puis après ce sera Johnny. Non, là j'ai débordé avant le commencement. Voilà, il va déborder 35 minutes. Il a débordé plus de deux heures aussi. Oui, bah oui, forcément. Et là maintenant, attention mesdames et messieurs, nous rentrons dans du lourd. Nous rentrons dans une battle entre Thierry et moi. Oui, et là ça va faire mal. Je te propose Thierry un live de Johnny Hallyday en 1979, avec un concert que j'adore et que tout le monde le sait. Oui. Tous ceux qui écoutent l'émission de Johnny de A à Z le savent que le Pavillon de Paris est un de mes concerts préférés. C'est en 1979. Dans le top 3. Oui, en 1979. Oui, ben moi ce sera en 1979 aussi. Ah, le concert pour Kampuchea. Voilà, et là je te propose une version de Lucille de Little Richard. Elle est pas mal. Elle est, qui est très bien. Mais laissons place à la musique, voilà. Les mots ne serviront à rien. Celle que je proposerai sera encore mieux. Non, vous allez voir, vous allez kiffer cette version-là. Oui. J'adore la voix de Johnny. Ah ouais. Allez, écoutez-moi, vas-y, Johnny. Écoutez-moi cette guitare déjà. Allez, Johnny. Allez, Johnny. Allez. Tente ta chance, vas-y. cause she was not in sight. Tell my man about it, but all their lips were tight. To see her, baby, standing by my home. I'm speaking to you, man. Please don't leave me this morning, cause she was not in sight. And my friends are funny, but I hold her lip with tight. To see her, he's not there where you belong. I don't believe it, I'm speaking to you, babe. Wrong, do it all wrong. Come on. Il dit I'm gonna slow you down a bit et chante Let It Be avec tout l'orchestra et tout ça. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Mais imagine-toi, ça aurait été bien en 79, Paul McCartney et Johnny Hallyday ensemble sur la même chanson. Oui. Ah oui, tout à fait. Bon, lui, Paul aurait eu la voix plus perchée, évidemment, mais. Oui, mais. Ça l'aurait fait quand même. Rock, rock, bien sûr, bien sûr. Maximum. Ah oui. Perché rock. Ouais. Non, les deux versions sont bien, il n'y a aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Mais les amis, on rigole, nous, hein, quand oui. On... oui. Oui, oui, oui. Thierry, qu'est-ce que tu me proposes après? Une fille. Ah. Mais une fille, Gabrielle. Quand on est dans Salut les Laura. Bronzés... Attends, quand Lucille. Quand on est dans Salut les Bronzés, on pense à un peu plus coquin. Mais ouais. Là, c'est juste une fille. Une fille sur Rubber Soul en 1965. On la connaît très bien, oui. Oui, c'est les Beatles, bien entendu. La voici, c'est John Lennon qui chante. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. So hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Understood, she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? She still believe it when he's dead. Ah, girl. Girl, girl. Vous connaissez le thème de l'émission, Johnny et les Beatles qui reprennent les mêmes chansons, des chansons communes, ou Johnny qui reprend des chansons des Beatles. Oui. Et c'est le cas pour cette chanson qui est extraite de l'album Rubber Soul Girl. Et Johnny l'interprète sous le titre « Je l'aime ». On va l'écouter en live, c'était sur la dernière émission Télédimanche, le 19 juin 1966. Déjà avec Drucker. Écoute, je ne sais plus. Sûrement, je ne sais plus. C'est Johnny. Johnny en live. Personne me dégage. Let's go. Better slow down. C'est gentil. Il y a 26 ans de différence entre les deux versions. Moi, c'est de 64. Alors, la version de Percy, 1990. Et toi, voilà, de 1990. Alors, forcément. C'était percutant. De toute façon, je t'ai toujours dit que cette version de Dégage, je la préfère à l'original des Beatles. Il n'y a pas d'autre version de Slow Down des Beatles, ou même de Paul. Bon, elle n'aurait pas été meilleure que celle de Dégage de Johnny. J'adore cette version-là. Elle est vraiment très déménage. Oui, elle déménage. C'est sûr. À présent, quelque chose de plus, non, pas plus doux, pas forcément plus doux, mais je vais vous proposer un titre de Johnny Hallyday, extrait de l'album Rock and Memphis en 1975. Il fait là une reprise, encore une fois, tout à l'heure on en a parlé, de Carl Perkins, oui. Matchbox. Autrement dit, hein, version française, ça devient Un garçon sur la route. Matchbox a été chanté par Ringo Starr, moi je te proposerai la version de Paul McCartney. Ouais, j'ai quitté ma maison, j'ai les yeux sur la route. Je sais ce que ça coûte. Ouais, tu dois déjà pleurer, mais ce n'est plus mon affaire. On la vit contre moi et j'ai froid dans le cœur. On la vit contre moi, mais je n'ai jamais peur. Ouais, je n'ai pour tout bagage qu'un billet sans retour. Ouais, qui m'attend à l'hôtel tout près du C'est comme tu veux, Thierry. Oui, on... Matchbox de Cal Perkins, une chanson que Johnny a reprise en 1975 avec un superbe orchestre rock'n'roll, hein, que Johnny avait enregistré donc à Memphis, hein, comme le titre de l'album le souligne. Il y avait aussi les Jordanaires qui étaient derrière, avec les, qui tapaient des mains, claquement de mains. Et puis Cal Perkins n'aimait pas qu'on lui demande pourquoi il avait signé Matchbox, alors que cette air était chantée depuis longtemps, notamment par l'élégant bluesman Blind Lemon Jefferson. Les années 20 ou 30, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est simplement que Cal Perkins s'inscrivait dans une tradition où il est fréquent de s'approprier un thème tombé dans le domaine public sans que personne n'y trouve rien à redire. Bah oui. Voilà, tout simplement. Je crois que le nom de la première chanson était un peu plus long. C'était Matchbox quelque chose ou Matchbox... C'était un poil plus long. Je n'ai connu que jusqu'à présent Matchbox. Oui. Tu vois ? Mais c'est pas grave. Moi, je vais te proposer Matchbox, mais la version de Paul McCartney au concert qui s'appelle Amoeba. Je ne sais pas comment on le prononce. A-M-O-E-B-A. Amoeba ? Ouais, Amoeba, ouais. Amoeba. Ouais, ouais. Voilà, ça date de 2007, donc c'est plus rock'n'roll que ne l'aurait fait Ringo. Encore que Ringo, quand il veut être rock, il sait être rock. Good. Don't you think? Time, or I'm too tired to run. love my baby too much to wait. All this climate is getting me down. If I'm a cop straight over the rail, and I'll fall on 2x5x4x5x6x9x8x9x12 I'm starting to say, let me before I'm ready to train. Let me to the top, well I'm too tired to roll. Oui. Are you rockers everywhere? Oui. Hey, be proud of you. All right, thank you. Merci, merci. Merci. Sais-tu, Eric, que non, Paul... je ne sais pas, je vais me le dire. Si, tu le sais, je crois. Je vais me dire. Paul avait chanté cette chanson-là pour être accepté avec les Quarrymen, le premier groupe de Johnny Hallyday. Mm-hmm. De... Non. de John Lennon. De voilà. John Lennon, pardon. Mais c'est parce qu'on a mélangé nos deux émissions, la saga des Fab Four et Johnny de A à Z. C'est devenu du jeu. Mais oui, c'est devenu la saga de A à Z. Tu es dans mon créneau horaire maintenant, c'est oui. pour ça. Je t'ai rendu l'émission en retard, voilà. comme d'habitude. Mais on essaie de rattraper. Je vais te laisser parler parce que j'ai un chat dans la gorge, c'est très désagréable. C'est vas-y, tout ce que vas-y. J'avais à dire. Ben voilà, donc Johnny Hallyday, évidemment, l'a repris ce titre-là. 20 Flight Rock, en 1975 également, sur l'album Rock à Memphis. Et il a repris plusieurs fois en concert, bien entendu. Et une dernière fois qu'il a repris, c'était lors du Théâtre de Paris, en 2013. C'était le soir de son anniversaire, dans la nuit du 15 au 16 juin. Voici 37e étage, Johnny Hallyday sur RIG, dans l'émission La Saga de A à Z, et avec en invité Brian Setzer. C'est le gel, elle est timide. J'aimerais passer le samedi soir. Elle embrasse et lui quand il fait noir. Et la vitre dans le 7e étage. La sorte serait dans rodage. Le groupe 2, 3, 4 étages. 5, 6, 7, le pétage. Et sans doute, je suis étouffé. Encore un autre et je vais crever. Nous faisons l'amour plutôt un autre jour. Hey! Calls me up on the telephone. Say, come on over here. I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet. I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't say a word. So I walked 1, 2, 5, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. I want to help, I'm starting to drink. And see, before I'm really sad. Get to the top, I'm too tired. Il faut trouver une solution. En attendant, je fonds les escaliers. Mais je veux en profiter. Peut-être qu'un jour, on trouvera mon corps étendu dans le corridor. Je combien 2, 3, 4 étages. 5, 6, 7, 8, 9 étages. 10, 11, 12, je suis essoufflé. Encore un autre et je vais crever. Je veux l'amour, plutôt un autre jour. And it's the next time they use the stairs. Oh, I'm hurry before it's too late. Oh, my baby, too much to wait. All this time it is to get my down. If I'm a corpse draped over her house, I walk 1, 2, 5, 8, 9, 4 5, 6, 7, 8, 9, 4 I'm on the 12th, I'm sorry to train. Well, if you keep the rubber in the sand, get to the top, I'm too tired her eyes. On reste dans le rock. Allez, on y reste. Une chanson qui avait été reprise par les Beach Boys, c'était Rock, Roll, Rock and Roll. Mais ça, c'est le style Beach Boys. Voici la chanson Rock and Roll Music, chantée par les Beatles sur Beatles for Sale en 1964. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz. rolled across the tracks. And she began a man away all sad. I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time to use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Way down south they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Don't get to hear them play it. Take a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it. It's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it. All it got rock roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. Vous aimez bien, je sais le rock and roll music. Il ne faut pas hésiter. C'est vraiment la plus belle des musiques. Oui, c'est bon de chanter. Quand j'entends du rock and roll music, j'ai comme envie de danser. Rien ne peut plus m'arrêter. On peut aimer nos filles aujourd'hui. La quitter un jour et on l'oublie. Après tout, on peut bien changer d'avis. Aimer le rock, il faut, c'est pour la vie. Vous aimez bien, je sais, le rock and roll music. Il ne faut pas hésiter. C'est vraiment la plus belle des musiques. Oh oui, c'est bon de chanter. Quand j'entends du rock and roll music, j'ai comme envie de danser. Rien ne peut plus m'arrêter. On peut changer de goût, c'est bien permis. Pour une fille, on fait bien des folies. Quelle m'empêche d'écouter Chuck Berry. Entraînez-moi, tout serait bien fini. Vous aimez bien, je sais, le rock and roll music. Il ne faut pas hésiter. C'est vraiment la plus belle des musiques. Oui, c'est bon de chanter. Quand j'entends du rock and roll music, j'ai comme envie de danser. Rien ne peut plus m'arrêter. On peut se passer de tout dans la vie. On n'en meurt pas, voilà ce que l'on dit. Le rock'n'roll, moi, c'est ma vraie folie. Alors s'il meurt, je peux mourir aussi. Vous aimez bien, je sais, le rock'n'roll music. Il ne faut pas hésiter. C'est vraiment la plus belle des musiques. Ah oui, c'est bon de chanter. Quand j'entends du rock'n'roll music, j'ai comme envie de danser. Rien ne peut plus m'arrêter. On peut se passer de tout, pas de lui. Écoutez Cochrane et Buddy Holly. Je voudrais en chanter toute ma vie. Avec le rock j'oublie tous mes ennuis. Vous aimez bien, je sais, le rock and roll music. Il ne faut pas hésiter. C'est vraiment la plus belle des musiques. Oh oui, c'est bon de chanter. Quand j'entends du rock and roll music, j'ai comme envie de danser. Rien ne peut plus m'arrêter. John Hallyday, Rock'n'Roll Music. J'aime bien aussi. Musique sur l'album Alléluia en 1965. C'est ça, oh, je préfère la version des Beatles. Oui, moi aussi, mais c'est sympa parce qu'il cite plein de rockers, etc. Exactement. C'est... Et justement, on en vient au rocker qu'il a cité. Ah oui. Hein et vraiment, il... Non, ah non, il n'a pas dit Little Richard. Il le dit il pas. Il l'a pas dit. Non, il n'a pas dit. Il a dit Chuck Berry, tout ça, mais il n'a pas dit Little Richard. Il aurait dû. Et pourtant, Little Richard, c'est le prochain titre qu'on va écouter avec la version de Oh Sally. Johnny avait déjà interprété ce titre-là en 1964. Et évidemment, il a mûri hein, vocalement, hein, Johnny. Il la reprend en 1975, toujours sur l'album Rock à Memphis. Et c'est bien. Écoute-moi, Sally, tu perds trop de temps. À l'âge que tu as, il faut commencer maintenant. D'amour, et revois le cueillir avant que ne vienne le jour où ça allait. Tes veines, qui brûle sous ta peau et qui te fait crier je t'aime. Au salé, yeah, salé, ouh, au salé, tu vois ce que je veux dire. Plus long sur l'amour dès demain matin. Pour salé, yeah, salé, salé, tu vois ce que je veux dire. Ouais, écoute-moi, salé, tu perds trop de temps. À l'âge que tu as, il faut commencer maintenant. Pour salé, très bien. Je t'y oppose la version des Beatles de Long Tall Sally, hurlée par McCartney. Ah, écoutons ça. Shut up! J'aime bien Eric, qui est vraiment mon partenaire musical, parce que il me dit comme ça en rantaine, il me dit, c'est pas produit par Jeff Lynne, ça, parce qu'on reconnaît le style de batterie bien caractéristique. J'ai dit oui, tout à fait. C'est Paul McCartney et Jeff Lynne en l'an 2000 sur l'album Maybe Baby Soundtrack. Et oui, j'aime beaucoup l'association des deux. Ça donne un son vraiment très très agréable, bien rock. Enfin, rock comme j'aime en tout cas. Bien sûr, j'aime bien aussi. Ah oui. Et la version de Johnny, elle est tout à fait différente de celle-ci. Oui, oui. Il y a aussi, il n'y a pas que la batterie qui est propre à Jeff Lynne. Il y a aussi la façon dont on utilise les chœurs. Exactement. Qui est bien spécifique. Ah ben, si on aime Electric Light Orchestra, et encore Electric Light Orchestra, c'était beaucoup plus aérien comme musique. Oui. Et c'est les productions de Jeff Lynne dans les années 90, ça, oui, donc 2000. Et ça se reconnaît, pop comme ça, hop. Oui, comme un ça. Un clin d'œil. Ah voilà, on a voilà. Comme un ça. Clin d'œil. Moi, je vais vous proposer donc une version de Johnny Hallyday qui n'a pas été retenue à l'époque sur l'album Un drôle de métier. Ah bon? C'est une c'est un bonus track. D'accord. C'est un bonus track qu'on a pu voir réapparaître en 1993. Et ça date de 1900. Ce titre-là, enregistré donc à Nashville également, hein, a été enregistré en 1983. D'accord. Et sur l'album de métier qui est sorti en 84, voilà. Mais oui, c'est peut-être bien Maybe Baby de Buddy Holly, et la version est complètement différente de celle de Paul McCartney. On écoute ça de suite. Voyez de suite. Oh, c'est bien aussi. La battle. Ça fait Nashville. Les Beatles. Ça fait Nashville. Eh oui. La saga de A à Z. Peut-être bien après tout. Peut-être bien qu'on est fou. Peut-être bien qu'on a tout compris. Ni rock requin, ni agneau, ni danseur mondain, ni macho. Peut-être bien que je t'ai dans la peau. Quand on s'est connu, j'avais vu bien des filles. De l'amour en mob à l'amour coupe de ville. Tu m'as mis d'accord en accordant mes nerfs. Depuis tu me possèdes comme vous possède un air. Peut-être bien que tu joues. Peut-être bien, mais je m'en fous. Peut-être bien que je joue aussi. J'avais vu bien des filles. De l'amour en mob à l'amour coupe de ville. Oui, tu m'as mis d'accord en accordant mes nerfs. Depuis tu me possèdes comme vous possède un air. Peut-être bien après tout. Peut-être bien qu'on est fou. Peut-être bien qu'on a tout compris. Peut-être bien, oh, oh, oh, peut-être bien, oh, oh, oh, peut-être bien qu'on a tout compris. Peut-être bien, oh, oh, oh, peut-être bien, oh, oh, oh, peut-être bien qu'on a tout compris. Voilà, voilà la version de Johnny. Applaudissements. Tout à fait, c'est mérité. Applaudissements. On est en finale. Oh. Qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est le supporter que j'ai, moi, pour mon groupe à moi. C'est déjà pas mal. Tu m'as proposé, Eric, du rock basique, peut-être bien, c'était bien. Oui. Je vais te proposer la même chose, le rock basique, celui qui a fait la fortune de Elvis, d'ailleurs. Oui. Avec cette chanson That's Alright Mama, mais chantée par Paul McCartney sur l'album, je sais pas comment on prononce, Choba BCCCP. Ça, c'est prononcé en français. Je sais pas comment ça donne en russe. L'album ah, c'est russe. Ça, c'est ça, c'est ça. L'album... Il y en a un qui parle russe ici, dans la je salle. Sais pas. C'est, ça s'écrit C-H-O-B-A-B-C-C-P. Ouais. Et c'était seulement pour le. Non. Lui, il sait parler russe. Seulement pour les Russes en 1988. J'ai l'album en vinyle et en 1991, c'est paru en CD. Voici That's Alright Mama, version Paul McCartney sur RIG. Well, that's all right, Mom. That's all right for you. Well, that's all right. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Allez, on retrouve Johnny Hallyday à Bercy en 1995. Et le titre, That's Right Mama, bien entendu, en acoustique. That's all right, mama. Well, that's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. Well, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, I'm leaving town tomorrow. I'm leaving town for sure. Then you won't be bothering me hanging on your door. Well, that's all right. That's all right. That's all right, oh mama. Any way you do. All right. Well, that's all right. Well, that's all right. That's all right, no, mama. Hey, way you do. Well, that's all right, no, mama. Hey, way you do. Well, that's all right, no, mama. Hey, way you do. On va rester dans le rock. Ouais. Dans le rock et dans le live, c'est ce que je voulais dire. Avec Good Rocking Tonight, mais aussi cool que toi au niveau acoustique. C'est sur bien le Unplugged de McCartney. C'est cool là, c'est cool. Mm-hmm. Yeah. En 91. All the blues. I heard the news. There's good rock tonight. I heard the news. There's good rock tonight. Hurrah! Hurrah! Yeah, hurrah! Hurrah! All the blues away. Yeah, Let's rock. vient de dire Eric, 40 secondes. Ben non, même mais pas. Mais non, même pas. Mais non, parce qu'il parle. Il parle, qu'est-ce que tu veux? Alors comme il parle, bah, thank you very much. Bah, je t'en prie. Tu sais Thierry, ça m'a donné une idée à l'instant. Ah bon? Ouais, tu vois, on entend de l'acoustique Paul McCartney, puis chanté par Paul McCartney. Et si une prochaine émission Johnny versus Beatles, on faisait une émission uniquement acoustique? Pourquoi pas? Unplug. Est-ce que tu as de la matière? Oui, peut-être pas autant. pas autant que toi. Mais après, on peut le faire courte durée, c'est tout, mais une petite comme ça. Ça pourrait se faire, c'est à réfléchir. Oui. C'est à réfléchir, parce que c'est sympa. C'est très sympa ce qu'il avait fait à l'instant, Paul McCartney. Bien sûr. Et là, par contre, je te propose la version française. Sauf que la version française est surtout connue par Eddie Mitchell. Ah oui? Ouais. Ah, t'as vu, j'ai relevé la tête. Oui. T'as vu? J'adore. Donc, Eddie Mitchell. En fin de compte, on va écouter un duo, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Bon, oui. Johnny se plante dans les paroles. Ah bon? Oui. Johnny ne fait que chanter, que dire. Et la voix d'Elvis chante Good Rockin' Tonight. C'est tout ce qu'il dit, Johnny. Tout le long, et ça dure plus de 5 minutes. On coupera. Écoute, parce qu'on était un peu à la bourre, déjà. Oui. On est un peu à la bourre. Tout l'été, ça va être comme ça. On sera à la bourre. Et donc c'était lors d'une émission en 1980 ou 81, je ne sais plus. C'était lors d'un palmarès sur Antenne 2 à l'époque. Eddie Mitchell était l'invité principal et il a invité son pote Johnny Hallyday. Oui. Non, mais là, c'est du puissant, j'adore. Et là, ça dure encore une minute. Ouais. On va s'arrêter là, quand même. Bon, et ben surtout que Johnny a été un peu aidé par Eddie Mitchell. Oui, je crois. Puisque c'est la reprise de Eddie Mitchell. Je crois qu'il n'avait pas bossé la reprise, Johnny, sur ce coup-là. Ben là, il vient de faire le con. Oui. Là, il aimait être avec son pote à l'époque. Oui, monsieur. Oui, c'est des potes. Ce sont des grands potes. Mais je vais te proposer de rester dans l'ambiance mais feutrée de Unplugged avec High Heel Sneakers de Paul McCartney. Toujours le même album, au même moment, 1991. Pas de soucis, on écoute ça. Allons-y. Some fool might wanna fight. Pretty sure you're gonna knock 'em dead. Je te propose une version live. D'accord. Elle date de 2013. C'était au Théâtre de Paris. D'accord. Voilà. Ça s'est coupé brutalement. Brusquement. Brusquement. Brutalement aussi, mais t'as fait un mélange des deux. Voilà, exactement. Merci, Thierry. Voilà. Johnny avait interprété cette chanson en français sous le titre Plus je te regarde en 1965 sur l'album Alléluia. Et là, il a reprise depuis 1995. Il la reprend en. Anglais. En anglais, tout à fait. Et voilà, on va citer tout de suite la version de High Sneakers. Bon, je te suis. Je te suis, Eric, je te suis. Je suis juste derrière. Même 96, pardon. Hein. Brian Setzer en duo au Théâtre de Paris en l'an 2013. Et là, maintenant, nous allons passer à quelque chose de complètement différent, évidemment. Johnny reprenait aussi des chansons de Ricky Nelson. Souvenez-vous, comme Teenage Idol, L'Idole des Jeunes. Eh oui, c'est une chanson de Ricky Nelson. Eh oui. Exactement. L'Idole des Jeunes. Paul McCartney n'a pas repris celle-là. Mais, et Johnny a repris en 1996 un nouveau titre de Ricky Nelson. C'était Lonesome Town. Oui. Qui, autrement dit, sous les paroles de Jean Foc, le parolier de Alain Bachung, devient la ville des âmes en peine. C'est la ville des âmes en peine, où vont traîner ceux qui s'aiment. Et quand l'amour qui va mourir voit s'enfuir l'avenir, la boutique au souvenir vous y vendra vos désirs, et on y trouverait se croire presque heureux. Dans la ville, les âmes en peine, je traîne avec mes chaînes. Et dans la ville, des âmes en peine, loin de toi, je vois s'en aller mes rêves. Dans cette ville des âmes en peine, j'apprends à oublier. Ouais. Town where the broken hearts stay. Elvis Four Saga, right here on your radio with Barry Gale. Hello, this is Paul McCartney. Well, the country boy named Shorty and a city boy named Dan. At the sea, he would run the fastest with Miss Lucy's hand. Now, Dan had all the money, he also had the looks. Shorty must have something else that can't be found in books. Cut across Shorty, Shorty, cut across. That's what Miss Lucy said. Cut across Shorty, Shorty, cut across. This is you I want to wear. Toi, Eric, que ça n'est pas apparu sur l'album. L'album, tu sais, le Chobabé CCCP. Il y a quelqu'un qui parle russe. C'est ça. C'est ça. Est, on y revient. Attends. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, Chobabé CCCP. Il se propose toujours, lui. En 88. Et c'était Cut Across Shorty. Tiens, mais la version de Johnny à présent. Oui. Johnny l'a repoussé en 1968 sur l'album Rêve et Amour. Un titre qui n'avait rien à voir avec le reste de l'album. Ah bon, bon oui, parce que ça fait sujet d'un 45 tours, et après ce 45 tours, ils l'ont incorporé dans l'album. D'accord. Donc, on sait bien que Cut Across Shorty est une reprise d'une chanson de Eddie Cochran. Oui. Voilà. Et on va de suite la version acoustique de Johnny de Couple with Charlie, c'était à Bercy en 1995. Le paysan nommé Charlie avait dit à son voisin Jean: nous aimons, je crois, la même vie, puis déjà longtemps. Ils ont alors une course, oui, à travers tout le pays. C'est les deux le terre qui gagnera. Épouseur à l'osir, couple avec Charlie et tu gagneras. Ne te retourne pas. Couple avec Charlie et tu gagneras. La fille sera pour toi. Oh oui. Oh oui, oui. J'en avais une voiture, oui, qui attirait les regards. Il croyait bien que son argent achèterait l'amour. Il avait déjà ouvert les portes de son palais pour recevoir les jolis vieux verts de Mademoiselle Lucille. Couple avec Charlie et tu gagneras. Ne te retourne pas. Couple avec Charlie et tu gagneras. La fille sera pour toi. Oh, pour toi. Charlie n'était pas si riche que Jean. Il n'avait jamais de bons habits. Il courait les pieds nus. Il connaissait le pays où les forêts et les cours d'eau. Et le vent qui était son ami lui sautait dans le dos. Coupe vite Charlie et tu gagneras. Ne te retourne pas. Coupe vite Charlie et tu gagneras. La vie sera pour toi. Ah, j'adorais ces parties unplug. Bercy, surtout, il était excellent, ce Bercy. C'était la première fois que Johnny faisait une partie unplug dans un de ses concerts. Ah bon? Et vraiment, c'était fantastique. Ouais, tout à fait. Quand on l'avait vu ensemble, c'était en 2009. Il avait fait une partie unplugged. Oui, aussi, mais en 95, c'était la première fois que Johnny faisait une partie unplugged dans son concert. Il était très motivé, surtout avec le MTV Unplugged de Eric Clapton. Oui. C'est en voyant ça qu'il a décidé de faire ces unplugged-là. Eh bien, il a eu raison. Exactement. Allez, on continue la saga de A à Z. Ben oui, tout à l'heure, on a entendu Maybe Baby de Buddy Holly. Voici à nouveau une reprise de Buddy Holly. Voici, c'était la chanson That'll Be Me. Non, c'est That Will Be the Day. That'll Be Me, c'est une chanson, c'est Ma Chérie, c'est Moi de Jerry Lewis. That Will Be the Day. De suite. Et là, en live encore, 1981. Et j'adore cette version-là. Quand ce jour viendra, quand tu partiras, quand ce jour viendra, jamais je t'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai, oui. Tu as tout abandonné, l'orange que tu t'es donné. Tu m'as emporté ton amour, ton argent. J'ai peur que tu te lasses, qu'un jour ton amour passe, que tu partes brusquement. Car quand ce jour viendra, quand tu partiras, quand ce jour viendra, quand tu me diras que vraiment tu t'en vas, j'en mourrai. Oui, quand ce jour viendra, quand tu partiras, quand ce jour viendra, que tu me diras vraiment tu t'en vas, jamais j'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai, oui. C'est un filtre d'amour qui nous lie pour toujours, que même pour vie tu m'as dit. Si un jour par la suite tu me quittes, pour moi tout sera fini. Quand ce jour viendra, tu partiras, quand ce jour viendra, et maintenant, ta version, c'est quoi? Oh, elle est beaucoup plus ancienne. C'est les débuts des Beatles. That'll Be the Day sur l'anthologie. Ah oui, ça sonne vieux. Ah oui. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yeah, that'll be the day when you make me cry. I say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. When you give me all your loving and your loving, all your hugs, kisses and your money too. You say you love me, baby, until you tell me, baby, that someday will I'll be the day. The day. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Toujours à Paul et à John, mais il y avait aussi George qui aimait le rock'n'roll et Ringo également. Il l'a prouvé dans sa carrière au fur et à mesure. Et là, c'était George qui s'y était mis. C'était en 1964 et on le retrouve sur le Live at the BBC, sorti 30 ans après, en 1994. Eh bien, non, c'est à mon tour, la version de Johnny Hallyday qui est au rythme et au blues, oui. Extrait de l'album Les Rocks les plus terribles en 1964. On écoute ça tout de suite, bien sûr. Ça chauffe, ça chauffe. Raison, elle marque. À aucun moment Beethoven n'est cité. C'est vrai. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live en 1981. Et ce titre de Chuck Berry. Yes. Johnny Be Good, Johnny revient. Oui. C'est bon. On est en finale. Ah oui, Johnny Hallyday. Ah, ça va nous amuser cet été, ça. Ben oui. Je prépare la petite tablette avec tous les petits trucs comme ça. On a ça, par exemple. Voilà. On a un autre ami. Voilà. Oui. Puis on a ça aussi. Et puis quand il arrive à... Voilà. Je ne sais pas si je raconterai des blagues. Ça peut arriver. Oui. Voilà. Quelquefois, elles seront bonnes. Il y en a plein comme ça. Tu voulais nous parler de l'émission de cet été, justement. Ah, tu veux pas passer ton morceau parce que tu n'as pas passé ta version de Johnny Be Good. Après ou avant? Ah ben après ton morceau des Beatles, Johnny Be Good. Ah donc on y va maintenant pour moi. Vas-y maintenant, comme ça, oui, autant laisser les mêmes chansons. Oui, chansons on communes. Repartira sur une... Exactement, Thierry. Allez, d'accord. Tu couperas ça au montage. Non, même pas, je vais tout laisser. Johnny Be Good, version les Beatles, c'est encore sur le Live at the BBC, sorti en 1900 et des brouettes, 94. Ah. Ah oui, c'est vieux. Oh oui. Oui, c'est vieux. Johnny, voici un exemple de blague que vous pourriez entendre dans Salut les bronzés. Au restaurant chez Stéphane. S'il vous plaît, je voudrais une table tranquille pour déjeuner en paix. Ouais, ça fera 46 euros. Oh, c'est fou ce que Stéphane est cher. Et on est fiers de nous. Bon, enfin voilà. Tout ça, c'est pour vous dire. On en parle après. Ça. Salut les bronzés. C'est pour ça que Dieu a fait la radio. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait beau toute la journée. C'est vrai. C'est ça la puissance de la radio et la puissance de cette émission. Salut les bronzés. Non. Ça se passe bien chez vous, les amis? J'aime qu'on réagisse comme ça. Ah oui, je le disais. Ça vient personne. Attends, vas-y, repose une question, on sait jamais. Peut-être qu'ils étaient un peu endormis. Vas-y. Vous allez poster les photos? Oui. Eh ben, parfait. Dis donc. Je veux pas d'ennui. Monsieur l'agent, bonjour. Bonjour, messieurs. Brigadier de la Technopolis. Pourrais-je savoir ce que vous écoutez sur votre tour radio? Postez vos photos. Faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Surtout à moi. Merci. Mesdames et messieurs, RIG présente le Top Ringard. Nous avons déjà beaucoup de personnes qui se réjouissent d'écouter le Top Ringard. Ce sont des chansons qui, pour la plupart, n'auraient jamais dû être faites, parce que c'est franchement mauvais. C'est vrai. Ou alors ce sont des chansons qui ont été faites et qui ont connu un certain succès, mais qui semblent franchement démodées. J'en ai pour l'année prochaine, déjà. Franchement pas bonne. Thierry. Eric. Attrape. Oh là là. On se calme. Attention, il a aussi des dossiers, Eric. Oui, j'ai des dossiers. Bonjour, ici le professeur Dufour. C'est notre côté rock'n'roll. On ne fait jamais comme les autres. Jamais. Auditeurs, auditrices, êtes-vous à l'écoute? One, two. Hey, one, two. One, two, écoutez RIG. Puis aussi, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook où on s'amuse. Il y a des posts partout, on sait plus où on est, c'est le vrai bordel. Ah, c'est le mot, c'est le bordel. Ah, ben là, j'ai pas le temps de lire, parce qu'il y a pas de... Mais moi non plus, j'arrive pas à lire. Eric, c'est Thierry. Je me suis converti à la techno. Non. Ah, oui, mais j'avais complètement oublié. Il faut absolument savoir qui a gagné. Nous avons du succès, t'as vu un peu le succès que nous avons? Et on va arrêter, c'est allez, on s'en va. Allez, hop, ça va, allez, ciao. Ça marque, oui. C'était bien, on va y revenir. On revient mercredi prochain, oui. Donc mercredi 1er juillet, c'est la nouvelle saison 2020 de Salut les Bronzés. Et la première post-confinement. Oui, Salut les Bronzés. Donc on voudra avoir plein de photos en maillot de bain, etc., oui. Parce que c'est post-confinement. Ça y est, on recommence. Je m'y vois déjà. Ah, ça y est, il est tard la semaine prochaine. Ah oui. Mais voilà, donc c'est le rendez-vous. On espère que vous serez nombreux et nombreuses à écouter cette émission. Vous savez, hein, vous nous avez juste à le mettre en fond, hein, vous mangez, je sais pas quoi, vous prenez l'apéritif entre amis et tout ça, vous le mettez en fond. Et c'est très très bien, nous on sera très très heureux. Ça, mais... ou alors vous écoutez à fond avec le... À fond, bien sûr. Le casque sur les oreilles et vous commentez toutes les chansons, toutes les bêtises. Tout. Et puis il y a des jeux, il y a le Top Ringard. Ah oui. On va retrouver François Pérus également. On a essayé de nous le voler, le Top Ringard, mais Eric tient bon. Ah, c'est ça. Il a déposé les droits et il ne veut pas les céder. Non, je veux pas. On en parlera une autre fois. Il y aura la batte et tout ça. Il y a plein de trucs. Mais sinon, revenons à notre émission, à notre dernière émission, la Battle. La Battle, oui. La saga de A à Z, Johnny contre les Beatles. Oui, ça se passe bien. Et où on va dire carrément Johnny et les Beatles. Oui, c'est vrai. Parce que la plupart du temps, on dit oui, celle-là, elle est bien aussi. Non, mais c'est bien, j'aime bien. Il y a beaucoup, des fois, il y a des chansons qui sont très départagées. Oui. Il y en a qui sont unanimes, des fois, des avis unanimes. Et... Oui. C'est intéressant à voir ça. Thierry, qu'est-ce que tu me proposes comme titre? Non, c'est toi qui proposes. Ah, c'est moi, pardon. On revient en 1962 avec Johnny Hallyday. Un certain groupe, ça semblait les Beatles, sont apparus cette année-là. Cette année-là. Et Johnny partait en Amérique enregistrer un album. Ce serait pas American Rocking Hits. C'est enregistré à Nashville. Je lis la playlist. C'était la première fois que Johnny mettait les pieds aux USA. Il était à New York et puis donc il a dit où sont les chevaux? Où sont les ranchs? Bah c'est pas là qu'il faut aller, c'est là-bas qu'il faut aller, au sud. Ah oui. D'accord, mais j'y vais. Il est allé, puis t'as Nashville, il a enregistré ça, et il a enregistré des standards américains, évidemment, comme ce titre, Take Good Care of My Baby. My tears are falling, cause you've taken her away, and though it really hurts. Avec un anglais pourri aussi, faut le préciser, pourri. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Oh, take good care of my baby. No, don't you ever make her cry. Just let your love surround her, paint rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I'm being true, I know she'll never be with you. Take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Oh, take good care of my baby. Just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Oh, take good care of my baby. La saga de A à Z sur RIG 90.7. My tears are falling, cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I gotta say. Send my baby back home to me. McCartney here, and you're listening to RG. Widescreen Radio. I want to walk you home. Please let me walk you home. I want to walk you home. Please let me walk you home. You look so good to me. Ooh-wee. I wish I was the lucky guy. Walk you right on down the aisle. I love the way you walk. I love to hear you talk. I love the way you walk. I love to hear you talk. I'm not trying to be smart. I'm not trying to break your heart. But if I ask you for a date, will you tell me that I'm not too late? I wanna hold your hand. Please let me hold your hand. I wanna hold your hand. Yeah, please let me hold your hand. You look so good to me. Saw you walking all alone. That's why I wanna walk you home. So let me walk you home. Please let me walk you home. I wanna walk you home. Oh baby, let me walk you home. Well, you look so good to me. Trying to be smart, and I love the way you talk. I wanna hold your hand, so let me hold your hand and let me walk you home. Oh, babe, I wanna walk you home. Oh, you look so good to me, baby. All I wanna do is walk you home. Let me walk you home, baby. Yeah, we can walk, we can talk. Là, Eric pourrait dire, mais il le sait, ça ressemble à du Fats Domino, mais c'en est, Eric. Mais c'en est, bien c'est entendu. Sur un album de tribute pour Fats Domino, sorti en 2007. L'album s'appelle Going Home, et c'est I Want to Walk You Home. Et voilà, et Johnny Hallyday a interprété cette chanson-là, Je veux me promener. Je veux me promener. Ah ouais, ça marche. Avec vous, en 1960. En 1960, exactement. T'en connais autant que moi sur Johnny. Ben, je sais lire. C'est magnifique. On écoute sa reprise de Fats Domino. Je veux me promener. Peut-être que sur le chemin, je pourrais vous prendre par la main. Je veux me promener avec vous, avec vous. Je promets de rester plus sage qu'un joujou. Aussi chérie après, oh, oh, oh oui, qui sait, peut-être vous laisserez-vous embrasser doucement dans le cou. Je veux me promener avec vous, avec vous, sous le ciel de l'été. Oh, parfum tendre et doux. Et peut-être qu'alors, oh oui, pousser la chose un peu plus loin, je veux me promener avec vous, avec vous. Mais si vous préférez ne pas sortir du tout, alors chérie, venez. Oh oui, venez. Venez donc chez moi faire un tour. Venez donc chez moi faire un tour. La saga de A à Z, la battle, Johnny, les Beatles. Oui, et pour les Beatles, nous allons revenir avec, à la charge si on veut, avec Paul McCartney. Paul McCartney, j'aurais pu choisir John Lennon parce qu'il a aussi chanté Bring It On Home To Me en 1975 sur l'album Rock and Roll. Mais là, je te propose la version de, tu sais, le fameux album russe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle russe? Choba B C C C P. Voilà. C'est toujours lui. C'est ça. Donc voici. Voilà, gardez celle-là. Ouais, ouais. Ça va être un gimmick. Voici la chanson Bring It On Home. Sinon, il va être Maître Tuban aussi. Hein. Je suis là, je contrôle. Pas voilà. Pour l'instant. Pas il sera pour l'instant. Là. Il sera la semaine prochaine, Maître Tuban. Voici Bring It On Home To Me. J'y arriverai sur RG. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday à l'Olympia en 1965 lors d'un Musicorama et reprend cette chanson Bringing Hope to Me qui devient Reviens donc chez nous. Si tu avais des regrets, qui fait un jour de m'avoir quitté, à mon tour, on va écouter Johnny Hallyday avec une reprise de B.B. King. De Benny King, pardon. Non. Si. Non. Comme tu veux. Non, c'est comme je veux. Ouais, bah, c'est, enfin, c'est Stand By Me. Ouais, c'était Benny King. Oui, Benny c'est King. Benny King. Bah, merci, oui. C'était mamie. Quand la nuit revient comme un voile sombre et tendre, quand ton corps vient s'étendre, je suis bien. Je ne crains plus rien. J'ai mon cœur sur tes mains. Je te crie, et dans la nuit, reste ici. Je t'en prie, je t'en supplie, reste ici. Oh, oh, oh, reste avec moi. Ne pars pas, reste là, reste avec moi. Lorsque j'ai passé Bring It On Home To Me, oui, des internautes m'ont dit « Ah, je préfère la version de John Lennon. Mm-hmm. » Mais je gardais un atout dans la manche parce que voici John Lennon par deux fois. D'abord Stand By Me sur l'album Rock and Roll et Sweet Little Sixteen sur le même album. Mm-hmm. C'est juste pour vous les amis, John Lennon sur RIG dans la saga de A à Z. And the moon is the only c'est à moi maintenant. Oui. Si nous écoutions la version de Johnny Hallyday, douce fille de 16 ans, Sweet Little Sixteen. Encore 16 ans. Eh ouais, oui, tout à fait. Oui, hein, quand on parlait de fille de 16 ans à l'époque, en fin de compte, non, ça ne choquait personne. Mais d'abord, quand ça a commencé à être construit, ce genre de chanson-là, ils avaient 20 ans, les gens. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc 20 ans, 16 ans, ça va. Voilà. Après 70 ans, 16 ans, ça l'a fait moins. On arrête de la chanter, cette chanson. Oui. Ou alors on dit, rappelez-vous l'ancien temps, quand oui, nous avions ça. 20 ans. Ouais, ouais, voilà. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exact. Exactement. Ça date de l'album Dada Run Run en 1963. Voici la version de Johnny Hallyday, douce fille de 16 ans. C'est tout à fait différent hein, de, celle de la version de John Lennon. Tout j'écoute, à fait. J'écoute. C'est du rock partout jusqu'à Menton. Je le vois où je vais. Et je sais bien que le bien grand tout me retrouver. Douce fille de 16 ans, douce fille de 16 ans, tu m'aides pour m'écouter, à les habits de maman, et comme elle m'a crié, le lendemain dommage, c'est l'école qui t'attend, as-tu le maquillage, douce fille de 16 ans, ouais, si tu repars jusqu'à Bruxelles, allez là Montpellier. Douce fille de 16 ans. Douce fille de 16 ans, douce fille de 16 ans, tu sais que tu grandiras, mais nous deux tout le temps, ensemble on s'entendra, ouais, donne-moi ta parole, de revenir comme avant, quand finira l'école, douce fille de 16 ans, ouais, c'est dur, on part jusqu'à Menton, je le vois où je vais. Je les ai repérés, les Beach Boys. Everybody's gone surfing, surfing USA. Ben oui, c'était ça aussi. Ben aussi, tout à fait. Il n'y a qu'un set de paroles qui n'a rien à voir avec 12 filles de 16 ans. Exactement. Quoique, ça dépend, parce que quand on parle du surf, les filles et tout ça, peut-être qu'elles avaient 16 ans. Mm. Allez, on se dépêche. Extrait encore de Rock'n'Roll avec John Lennon. Peg Sue. Yeah. Est-ce qu'elle avait 16 ans? À un moment donné, oui. Elle a eu 16 ans. Oui, oui. me suis fait avoir. Je me disais, c'est quoi ce bruit? Ah non, je me suis fait avoir. Tu m'as dit qu'elle était courte et donc à un moment j'ai cru que c'était la fin et j'ai enchaîné avec la mienne. Voilà. Ben recommence. Eh ben je recommence. Voici les versions de Johnny Hallyday en 1965 lors d'une émission sur Europe 1. Ils interprétaient Le Parapluie et le titre Peggy Sue. Ah oui, je comprends mieux. Oui, chaque tour de roue, oh Peggy Sue, elle me rapproche un peu de vous. Oh Peggy, oh ma Peggy Sue. En répétant ce thème, je t'aime Peggy Sue. Je te l'avoue, oh Peggy Sue, je n'existe plus sans vous. Oh Peggy, oh ma Peggy Sue. Fais-moi loin de vous, j'étais jaloux Peggy Sue. Oui, oh Peggy Sue, oh Peggy Sue, jolie, jolie, jolie, jolie Peggy Sue. Oh oh Peggy, Peggy Sue. Je vois en rêvant aux beaux grands yeux de Peggy Sue. Oh Peggy Sue, oh Peggy Sue, je serai à vos genoux. Oh Peggy, oh my Peggy Sue. Après de vous chérie, loin de tout ma Peggy Sue. Peggy Sue, jolie, jolie, jolie, jolie Peggy Sue. Oh, oh Peggy, oh, ma Peggy Sue. Je suis tout à vous, rien qu'à vous, ma Peggy Sue. Oui, je suis tout à vous, rien qu'à vous, ma Peggy Sue. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat, wouh! Yeah, ah ouh, yeah. J'suis mordu pour un petit oiseau bleu. Ça me travaille autant que ça peut. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat à fort. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un type fichu. Ah ah ah, j'suis mordu. Yeah, ah ouh, yeah, ah ouh, yeah. Elle a l'air de ne pas s'y toucher. Mais croyez-moi, faut s'en méfier. Sinon vous ferez comme moi, vous serez les bras en croix. Voyez le résultat, j'ai l'air d'un type fichu. Ah ah ah, j'suis mordu. Yeah. Elle a des yeux étranges. Vous croyez voir un petit ange, mais ne vous fiez pas, car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. J'suis mordu pour un petit oiseau bleu. Tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors plus que la nuit, je suis tout rabougri et tout ça. Je suis fichu, ah ah ah, je suis mordu. Yeah. Mmh. Yeah, yeah. Yeah. Oh, elle a des yeux étranges, vous voyez voir. Monstrueux, j'suis mordu, un petit oiseau bleu. Tellement mordu que j'en deviens gâteux. Je ne dors plus de la nuit, je suis tout rabougri et tout ça sans résultat. Wouh, je suis fichu, ah ah ah, j'suis mordu. Yeah, j'suis mordu. Yeah, j'suis mordu. La même chanson, mais 39 ans plus tard. Là, c'était Johnny Hallyday en 1960. Oui, oui, tout à fait. Avec un orchestre de jazz. Et moi, c'est en 1999. Paul McCartney sur l'album Run Devil Run. Ça va sonner beaucoup ah, plus oui, fort. Oui, je pense bien. Je pense fort. Bien. Oui. Holy smokes, land sakes alive. I never thought this would happen to me. In my eyes, swept up through my head, blew into my Red, c'est uniquement sur RG. On le retrouve à l'Olympia en l'an 2000 pour cette reprise Bibapalula. Je croyais qu'il faisait la voix d'Elvis. Chante Good Rock Tonight. Ah, mais il aime bien tromper, il aime bien. Ah oui. Bibapalula, she's my baby. Red blue jeans, she's the girl with the flying feet, she's the girl that I know, she's the girl that I love me. Johnny Hallyday en 1996 à Las Vegas avec Miss Cloudy. Je te propose la réplique avec Paul McCartney, tu sais. Bien sûr, l'album russe, la Choba BCCCP. Il te faut à nouveau un petit traducteur. Ah bah, obligé. Voilà, ça veut bien me dire ça. Et voici donc en 1988, Cloudy Miss Cloudy. C'est à toi. Encore deux chansons chacun, je crois. Oui, deux chansons chacun. Et puis c'est parti. Et voilà, on aura rempli le contrat des 4 heures d'émission. Déjà. La saga de A à Z, la Battle Johnny, les Beatles. C'est vite passé, disons. Ah ouais, ouais, on s'est régalé. Hein. Oui, heureusement que j'ai fait deux allers-retours chez moi, quand même, parce que sinon, allez, on finit vite. On revient à Bercy en 1995. Johnny reprend le standard de Elvis Presley, I'm gonna sit right down and cry over you. Right down and cry. Et version unplug acoustique. Mm. Et vraiment, j'adore cette version également. Hein. C'est parti! I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry over you. If you ever even try, I'm gonna sit back down and cry for you. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. And if you ever say goodbye, if you ever even try, I'm gonna sit back down and cry for you. I'm gonna tell my mama, tell my papa too, so I know exactly what I'm gonna do. Say goodbye. Will you ever even try? I'm gonna sit right down and cry. All right. I'm gonna love you more and more every day. I'm gonna love you more and more in every way. La même chose, version Beatles sur les lives de BBC. Ball tonight. road, my baby jeep. Got a rock and roll, baby, come on the scene. I chauffeur to the left, I chauffeur to the right. Gonna rock and roll to the early night. I'm ready. Rock and roll. Ça n'était pas la version de l'album Rock'n'Roll, c'était la version de l'anthologie 3 de John Lennon, The Lost Weekend, paru en 1998. Bah oui, pourquoi il figure sur l'anthologie? Parce qu'il y a une anthologie de John Lennon. Ah oui, pardon, excusez-moi, oui. Anthologie de John Lennon. Anthologie de John Lennon. Jean-Louis. Voilà. C'est la fin de l'émission, c'est pour ça. Il t'en reste une, je sais, ah, oui. C'est la fin de l'émission, c'est pour ça, ça commence un peu... Oui, il était temps. Je vous propose de retrouver ce titre Ready Teddy, donc la chanson de Elvis Presley, donc on est bien, sous le titre Belle. Johnny Hallyday l'avait interprété sur l'album Les Rocks les plus terribles en 1964. On écoute ça tout de suite et c'est la dernière chanson de l'émission. Quelle belle année 64. Ah oui. Si tu veux chérie, ce soir on sera avec nos amis. Fais-toi belle. Avec toi, tous nos amis ce soir vont m'envier. Et tu verras aussi les filles te regarder. Fais-toi belle, belle, belle, belle, fais-toi belle. Belle, belle, belle, fais-toi belle. Belle, belle, belle, et je serai fier de sortir. Avec toi, on va fêter ce soir tes 18 ans. Je veux que tu t'en souviennes longtemps. Mais je ne veux pas te voir en pantalon. Car il y aura suffisamment de garçons. Fais-toi belle. T'es 18 ans, je veux que tu t'en souviennes longtemps. Mais je ne veux pas te voir en pantalon. Car il y aura suffisamment de garçons. Fais-toi belle, belle, belle, belle, fais-toi belle. Belle, belle, belle, fais-toi belle. Belle, belle, belle, et je serai fier de sortir avec toi lorsque nos amis seront partis. Et que la soirée sera finie. Tu viendras dans mes bras, oui je le sais déjà. Et puisque tu m'aimes, dis-le, dis-le moi. Fais-toi belle. Sortir avec toi. Tu laisses donc un peu les filles. Allez, on va partir. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Et voilà, voilà, la saga de A à Z est terminée. Déjà. C'était notre dernière émission de la saison 2019-2020. Et l'année prochaine, toi, tu démarres là. La 20e saison. La 20e saison de l'émission Johnny de A à Z. Ça va se fêter. Ça va se fêter, mais comme bientôt. Oui, c'est ça, les 20 ans. Les 20 ans, on va bientôt le fêter, 20 ans. Ouais. 20 ans l'émission. Bah oui, 20 ans, ça se fête. Eh oui. Moi, je vais fêter les 37 ans en début de l'année prochaine. 37. Eh oui. Quelle carrière, belle carrière radiophonique. On m'appelle le Michel Drucker de la radio. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci à toi, Eric. Merci, Thierry. Et on se retrouve la semaine prochaine pour saluer les bronzés. Nous, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour saluer les bronzés. Et puis, sinon, si vous revenez pour la rentrée, on sait ce jamais, sera au mois de septembre. Voilà, pour la rentrée, eh bien, on vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances. Mais moi, je vous conseille de rester au moins pour le mois de juillet. Oui, restez un peu pour le mois de juillet. Ça ne marchera que le mois de juillet. Ouais. L'émission Salut les bronzés. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye.